Bonjour et bienvenue dans la septième séquence du cours sur l'économie du web. Dans cette séquence, nous allons aborder le modèle de la bibliothèque comme l'une des inspirations du web, mais aussi pour mieux comprendre les méthodes d'analyse du retour sur investissement dans l'économie publique. Et puis, bien sûr, ce sera aussi l'occasion de poursuivre les débats sur les billets des étudiants qui sont cette semaine consacrés aux livres et à l'université sur le web, avec un questionnement sur l'avenir des librairies, sur le statut de Google Book ou encore sur l'économie des MOOC. Cette séquence s'étale sur 15 jours pour s'accorder avec la semaine de lecture québécoise et les vacances en France. Il n'y aura donc pas de publication la semaine prochaine, mais cela vous laissera plus de temps pour annoter les textes et pour commenter les billets. Donc, bonnes vacances à ceux qui en prennent et bonne réflexion à tous.